Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 novembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante et Marie-Pierre Laforge-Bourret s'en vient dans quelques minutes. Elle va être avec nous bientôt dans l'émission parce qu'elle était malade la semaine passée, hein? On s'en rappelle et donc ça a duré jusqu'à là maintenant. Et là, elle se relève et vient faire l'émission avec nous tantôt. Aujourd'hui, à l'émission, bien sûr, on va avoir de nouvelles entrées. Hein? On va avoir, entre autres, Brady Cardi, Salomé Leclerc, Marc Derry, Bruce Peninsula, Tom Waits et Sonny Pompey. On va commencer avec la 20e place francophone. C'est une nouvelle entrée du nouvel album de Cœur de Pirate Blonde. C'est la pièce Adieu qu'on va entendre. Le temps de vous dire, avant ça, que dans l'émission d'aujourd'hui, on va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis. Ça va être super bon. Et en entrevue, Alexandre Desilets, qui est en spectacle ce soir, jeudi, le 17 novembre, à Shawinigan. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, commençons avec les 20e places. Je le disais, du côté anglophone, c'est Sonny Pompey avec The Death of Death. Mais on débute avec Cœur de Pirate. Voici Adieu au Palmarès C'est fou, 89.1 FM. De vin sur ta chemise qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, blâmant le manque et la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace t'es parti parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la paix car tu sais que plus rien. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur car tu sais que plus rien. Numéro 20, nouvelle entrée. Joyride.

Numéro 19. Nouvelle entrée. Seeds are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. To leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better in Chicago. But it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Everything will be better in Chicago. For we need, the Lord will give us all we want. We carry with us. You know where I can be found, where the rainbow is ground. I'm not alone, I'm not afraid, 'cause it's burning gold from this cage. There's so much magic we know on this sapphire we call home. With my coat and my hat, I say goodbye to all that. Everything will be better in Chicago. Everything will be better in Chicago. Tom Waits et Chicago en position numéro 19 anglophone. Nouvelle entrée sur l'album Bad As Me. Avant d'entendre Marc Derry avec une autre nouvelle entrée de son album numéro 4, c'est l'Astro Blame. Avant, c'était les 20e places en anglo Sonny Pompey avec The Death of Death sur leur album Breakfast of Champignons. Tout le monde adore ce titre-là, dont moi, hein, The Breakfast of Champignons. C'est pas génial, ça, y a un petit peu. Avant, du côté franco, Cœur de pirate avec Adieu, extrait de l'album Blonde. Et là, comme Cœur de pirate le précise si bien en entrevue, c'est Blonde comme une copine. Hein? Chum blonde, là, et non pas blonde comme les cheveux. Voilà, c'est dit. Alors, il nous reste encore quatre autres nouvelles entrées. On va les entraîner encore une fois dos à dos, là, dans un seul et long bloc pour essayer de gagner le plus de temps possible pour notre entrevue avec Alexandre Desilets plus tard dans l'émission. Donc, il y aura là-dedans Brady Cardi, Nans & Nat et Bruce Peninsula. Mais on débute avec Salomé Leclerc. Voici une nouvelle entrée de l'album Sous les arbres. Deuxième extrait pour Salomé, c'est Ne reviens pas. Au Palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et ça, ben, ça, c'est quand tu tournes le petit piton, il n'y a plus vraiment de bouton qui tourne. Quand tu appuies sur le bouton préprogrammé, 89,1 FM. J'espère que vous l'avez programmé, sinon, là. Qu'à ne pas te tourner, tu me verras jamais ramper dans la boue. T'as qu'à éteindre le jour pour ne pas voir les morsures à mon cou. Va déposer les armes au fond des bois. Surtout ne reviens pas. Thank you. numéro 18. Nouvelle entrée. Oh, Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. We all have ideologies. it's a battle till the end of time. Un énorme bloc de nouvelles entrées dans les palmarès. Il faut bien entendre Huntington de Nans & Nat en position numéro 17 anglophone. C'est leur nouvel album Nans & Nat. Avant, on a entendu Bradycardi, formation locale, avec la pièce Si mon cœur. Et avant ça, les 18e places en anglo, Bruce Peninsula avec Chupacabra. Je sais pas si cette pièce-là va se rendre jusqu'au numéro 1. Je vais pouvoir faire des jeux de mots tellement évidents avec Chupacabra. Chupacabra, de me l'enlever de la tête, mettons. Je vais peut-être le dire mieux que ça quand je le ferai. Et au début du bloc, en 18e franco, c'était Salomé Leclerc avec un nouvel extrait de la pièce de l'album Sous les arbres. Ça s'appelle Ne reviens pas. Voilà. Donc, on a terminé nos nouvelles entrées. 4 de chaque côté. Ça fait 8 nouvelles pièces qui vont jouer. J'espère bien, une fois de temps en temps. C'est fou. On va sauter par-dessus les 16e places du côté anglophone. On aura entendu Wilco avec I Might. C'est triste de sauter ça. Ça descend de 6 places, mais c'est là depuis 7 semaines. Alors que du côté franco, c'est Peter avec Rien ne nous rassemble qui descend de la 5e place, donc de 11. Et c'est sa 4e semaine de présence. On va aller tout de suite au 15e, donc, du côté anglophone. C'est Dutch 16 avec Time to Reiterate. Et on débute avec Karim Ouellet qui monte de 5 places. En fait, les deux pièces montent de 5 places et elles étaient toutes les deux nouvelles la semaine passée. Donc, Karim Ouellet, voici Demain la veille au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou! Le matin de Noël, cher, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. Simon est grandi quand je m'assois, je pars en enfer, mon petit bout de ciel. Sous le sapin le matin de l'air. 15e position des palmarès. C'est faux. On vient d'entendre Dutch 16 avec la pièce Time to Reiterate. C'est une nouvelle entrée de la semaine passée. Ça monte de 5 places. Et avant, du côté francophone, c'était Karim Ouellet avec Demain la veille. Hey, surprise. Bonjour, Marie-Pierre. Salut, Mathieu. De retour de ton malaise la semaine passée? Oui. De retour, ouais. En pleine forme. J'espère, parce qu'ensemble, on va parler avec Alexandre Desilets tout à l'heure dans l'émission. Oui. T'es en forme pour ça? Ben oui. Cette bête de scène, mm-hmm, qui est Alexandre Desilets. On va lui parler vers les 15h30 environ tantôt. Ben, c'est tout le jeudi, là, sinon, arrangez l'heure pour votre fuseau horaire, là. Sinon, on va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ça s'en vient dans un petit peu, je dirais à peu près une demi-heure. OK. Environ, oh oui. On va l'entendre les 14e places de chaque côté. En anglophone, ce sera Camp Radio avec Turn Up the Radio. Ça monte de 5 places. Et du côté francophone, c'est Charlie Foxtrot avec Pas un public cible. Ah ben Colin. Ah ben Colin. Ah ben Colin de Colin, toi. Un sac à papier avec des chips dedans. Il y en a moins. Ah, ils font des bonnes chips à la Chasse Galerie. Mettons que c'est eux qui les font. Pas vraiment. Thank you. Camp Radio avec Turn Up the Radio, position numéro 14, anglophone, ça monte de 5 places, nouvelle entrée de la semaine dernière. Et juste avant, c'était Charlie Foxtrot avec Pas un public cible. C'est la fin de la première heure, on se retrouve tantôt avec une deuxième heure, hein, et dans cette deuxième heure-là, il va y avoir entre autres les meilleurs moments d'assemblage requis avec les fins finaux, là, les choses, les deux gars, là, avec les moustaches, là, ridicules, là. Hein? Ah! Tu sais? Je pense savoir de qui tu parles. Oui, un certain François-Olivier Marchand et un autre Mathieu Plante, j'ai entendu dire. Aussi, la musique d'OK Volca, Philippe B, Jane's Addiction et de Pac AD, restez avec nous. Hein? Pourquoi? Et une entrevue avec Alexandre Desilets. Oui, ça s'en vient plus tard, ça. C'est vrai. Hey, t'as raison, c'est dans la deuxième heure. Beaucoup de choses dans la deuxième heure, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Deuxième heure des palmarès Sifou pour la semaine du 14 au 20 novembre 2011. Moi, c'est Marc-Pierre Lafourche-Bourret. Oui, je cherchais ton nom. Moi, j'essaie de trouver de l'espagnol. J'essaie de mettre de la variété dans mon vocabulaire. Yo soy, me llama. Tu eres Mathieu Plante. Et yo soy Marc-Pierre Lafourche-Bourret. Exactement. Maria Pedro. Maria Pedro Lafourche-Bourret. Ouais. Wow. Donc, deuxième heure, comme on disait, on est rendu aux positions numéro 13. Du côté anglophone, ce sera de Pac AD avec Sirens qui monte d'une place. Et du côté francophone, c'est Philippe B avec Hypnagogie. Bon, on écoute ça. Et juste après, les instants classiques d'assemblage requis. Moi, j'ai déjà hâte. Je suis pas pour vous autres. J'en peux plus. Ah non, tu peux plus? Non. J'ai dormi longtemps comme un volcan. Dormi longtemps, mais t'as trouvé la faille dans mon flanc, la faille dans mon flanc. J'ai fermé les yeux, serré les dents, j'ai ouvert mon cœur et j'ai laissé couler le sang. Dormais encore quand t'es parti, j'ai dormi trop tard, j'ai pas senti glisser ton corps et s'éloigner nos vies. En ouvrant les yeux, un trou dans mon lit, j'ai crié ton nom et mon écho. Oh oh, m'a renvoyé la nuit. Numéro 13. The shockwave faces, wonder what we look like naked. Irresistible Force met The Immovable Object de Jane's Addiction sur leur album The Great Escape Artist. C'est en position numéro 12 du palmarès anglophone et ça monte de 6 places. Même chose du côté francophone, c'était OK Volca avec Plus d'automne qui a descendu de 3 places cette semaine. Avant de passer au 11e Kid Sentiment et Dan Mangan, on est rendu au moment d'assemblage requis. Hein? Toujours tellement drôle. Justine, quand elle était là la semaine passée, était en train de me dire « c'est donc drôle, je me roule à terre comme si c'était sarcastique. Hey, tu parles d'une affaire. » C'est pour ça qu'elle n'est pas là cette semaine. Là, tu n'as pas fait mal? Je pense qu'elle aimait ça. OK. Ouais, donc, voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 14 novembre 2011. Le poste d'écoute de C'est tout, c'est évidemment l'endroit où on se met un CD. On se met un CD dans la fente. Ouais. D'accord, non? Ça part mal. OK. Dans slot. Dans slot. D'accord. Ça aussi, c'est comme on va. Peter et rien ne nous rassemble. Ouais. Moi, j'aurais pu dire rien ne nous rassemble à Jerky. Parce que, tu sais, un jeu de mots. Poche, un jeu de mots poche. Ça, aujourd'hui, c'était fin avec, c'était comme plat. T'as juste dit, je te mets en ligne, genre, la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être en direct, blablabla, Pierre Bruno, blablabla. Pierre Bruno. T'as dit ça? Wow. Et sur le blog zonecampus.ca. Point K. C'est point CA. Ça me fait rire, ça. C'est les gens cool, tu sais. Point K. Ça va, les gens cool disent, point K. C'est déjà la fin? Ben oui, c'est la fin de l'émission aussi. Colin, c'est-tu triste, hein? J'en sniffe, là, je m'en torche la manche, là. Torche la manche. C'est mon nez. C'est ton nez. Non, je sais pas, écoute, je te répète ce que tu dis, là. Tu veux les détails? Tu veux d'autres détails? Non. Bon. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Myriam Fugère nous présente notre nouvelle chroniqueuse Jasmine Raymond Dréville. Et justement, Jasmine nous parle de langue. De langue? De langue. Sortez le jello, deux filles avec des langues. Jean de Mars, là, comme un chat de maïs. C'est ça, pas un chat comme la la la la la la. C'est une bonne émission, par exemple, pour vous. Merci. C'est très bien. Avec Marie-Pierre Laforge-Bourret et moi-même. Puis en même temps, vous avez des extraits de l'assemblage RIC. Ah, c'est vrai, nos meilleurs moments, toi et moi, là, en train de dire des niaiseries, comme mettons, on pourrait se faire. Hey, on n'a jamais stagé un de nos meilleurs moments. Non. On n'a jamais fait comme un sketch, genre, improvisé, comme bon. Pour être drôle. OK. On pourrait repartir en musique. Colin Girl Power aujourd'hui. Yes, hein? D'ailleurs, il est où le jello? Ouais. J'ai mis mon saut en latex. Ou la boue, ou n'importe quoi. Ça peut être vraiment. On n'a pas vraiment de critères sur quel liquide va être utilisé pour lutter. Laissez-vous aller. Allez-y. Gâtez-vous. Puis c'est François-Louis Marchand. Puis c'est Mathieu Plante. Et nous construisons à deux votre journée à partir de batteries de qualité. Et ensuite, ces batteries de qualité-là, on les amène et on les prend par les épaules. Ouais. Ou on les tire par les cheveux. C'est par les cheveux. On les amène, on les met à terre, un par-dessus l'autre, dans du jello. Aujourd'hui. C'est le concept de la chose. T'as l'air à ça. Ah, j'aurais dû mettre mes verres de contact, là. Ils vont me casser mes lunettes. Oh. Les filles, c'est tellement agressif. Ouais, mais c'est pas supposé frapper quelqu'un avec des lunettes, là. C'est pour ça qu'on porte des lunettes tous les deux, d'ailleurs. Oh, mais c'est pour ça. OK, c'est correct. Ah. Je suis capable de faire Bart Simpson. Oh! Impressionnant. Wow. Une des seules qualités. Je suis capable de faire cannelle aussi. Oh! J'aime ça faire cannelle. Hier, Jasmine, c'est drôle parce qu'on était au torréfacteur puis on essayait d'imiter physiquement cannelle. Tu sais que ça couette dessus qu'il essaie de prendre une feuille de main, tu sais. Avec les bâtons, c'est vrai. Ah oui. On dirait qu'elle s'étampe la face sur une table à chaque fois. En tout cas, on a bien ri. Respect. Oui. Find out what it means to me. Bon, donc Simon, à la semaine prochaine, jeudi à 8h. Hein? Tu pensais pas entendre du Aretha Franklin, hein, matin? Oh! Bon. C'est une belle réponse. Je vous prends la main, je vous salue. Clac, clac, main, clac, clac, main. Top là ou en bas. Signe de comeback Obama, là. Comme Barack Obama? Ouais, il fait des signes de main. Funk, excuse-moi. Hipster. Passe une belle journée. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Moi aussi, au revoir. Bye. Bye. Au revoir en français. Salut. À la prochaine. Au revoir. Ciao, bye. Ciao. Bye, ciao, bye. Ça fait très... J'ai 21. Ouais, c'est comme dans toi, là, avec les parlements. J'ai 21, c'est ça que t'as dit? I'm 21, yeah. Wow, quelle fin louche. Yo! Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 14 novembre 2011. Myriam est en feu! Hey, que des meilleurs moments de Myriam cette semaine, hein? On était poche, nous autres, donc on a mis tous les meilleurs extraits de Myriam. Oh. Ça remplit bien une chronique de la classique. Ça aurait été le fun que vous stagiez votre moment drôle. On y a pensé, on a fini par l'oublier. J'aimerais ça, moi. Oui, hein? Ouais. Faire un moment exprès pour les meilleurs moments. Oui. Oui. Mais tu sais, quelque chose de vraiment hot. Oui, c'est ça, parce que d'habitude, il n'y a rien d'écrit dans ces émissions-là. On n'a pas de PDF de 14 pages pour chaque émission de sondage requis. Donc, nous, des affaires, c'est normal que ce soit pas super drôle parce qu'on n'a pas écrit. C'est improvisé, cette émission-là. Mais oui. Si c'est drôle, c'est que ça donne demain. Donc, assemblage requis lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante. On espère que vous avez du plaisir à écouter cette émission-là. Si vous ne l'écoutez pas déjà, ben, habituez-vous, hein, parce qu'à un moment donné, le matin, c'est pas mal ça qu'il faut écouter. Tu veux être vraiment dans le vent. Ben oui. T'écoutes ça, t'as la musique la plus récente. Il y a les cadrans, ils ont des fonctions radio. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, quand tu mets ça, ben, ouais. Ça réveille. Ça réveille, tu sais. Bien, hein? Ouais. Ouais. Mais tu sais, se faire réveiller avec de la bonne musique. Oui, c'est de la bonne musique, des blagues sur des filles qui se luttent dans le jello. Le faire. Bon. Donc voilà pour Assemblage Requis. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les balado-diffusions et les notes de l'émission. Hein? Pourquoi pas? Bon. Vous êtes toujours au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. Et présentons le prochain bloc, c'est-à-dire les 11e. Du côté anglo, il y aura Dan Mangan avec About As Hellful. Et du côté francophone, c'est la chanson Si Belle de Kid Sentiment. 89 FM, c'est vous. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi, le ciel descendrait ici-bas. Tu es si belle quand tu ris aux éclats. Tu n'es pas celle qui ne brille que pour moi. Je sais pour toi, cela ne veut rien dire encore. Tu vis ta vie sans regret et sans remords. Tout est un jeu et tu joues quand tu veux. Pour moi, tout est futile. Tout ça est inutile. Tu es si belle que tu ne le sais pas. Pour toi, le ciel descendrait. l'étincelle qui ne brille que pour moi. Je sais pour toi, cela ne veut rien dire du tout. Tu ris, tu pleures, tu souris et puis tu joues. Tu jettes ce que tu ne veux plus sur le plancher, sur la rue. Everything's changing. I almost forgot it, but then I remember. Always in time. Don't count the feathers, just count the wings. Every day counting, everything's changing. I almost forgot it, but then I remember. Dan Mangan et la pièce About as Helpful as You Can Be Without Being Any Help at All. Il faut que je vérifie sur la pochette parce que c'est long. Oui, c'est long comme nom de chanson. Long titre. Juste avant, c'était Kid Sentiment avec Si Belle. Oh, et Si Belle chanson. Hein? Dans une si belle émission. Hein? Des compliments envers nous-mêmes. Hein? Hein? Bon. On est rendu aux positions numéro 10. Avant de passer à ça, on vous rappelle que plus tard dans l'émission, on fait dans très, très pas long, là. Très, très pas long. Ouais, on va parler avec Alexandre Desilets. Oui. De son spectacle de ce soir, jeudi, à Shawinigan. À Shawinigan, c'est au Centre des Arts. Oui. Donc, on en parle tantôt avec lui. Pour l'instant, en 10e place anglophone, il y aura Decor Miracle avec Blue Moon of Kentucky qui monte de 7 places. Et juste avant, ce sera les Breastfeeders avec Danser sur ma tombe. Les Breastfeeders, les allaiteurs, comme je les appelle, moi. Oui. C'est ça. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. 89.fm. Shit. They Call Me Rico et Blue Moon of Kentucky, position numéro 10 anglophone, ça monte de 7 places. Juste avant, du côté francophone, c'était les Breastfeeders avec Danser sur ma tombe. Tout à l'heure, il y aura les positions numéro 8 en franco, Violet Pie et en anglo, Feist. Mais avant ça, Marie-Pierre. Aujourd'hui, on reçoit en entrevue Alexandre Desilec, qui sera en spectacle ce soir à Shawinigan, au Centre des Arts. On se rappelle qu'il avait sorti le disque La Garde en fin 2010. Et pour l'introduire, rien de moins que dire qu'il a gagné plusieurs prix ces dernières années. Entre autres, le prix André-Dédé Fortin sur la scène émergente, prix Félix Leclerc, prix de la relève musicale, Révélation Radio-Canada Musique. Bonjour Alexandre Desilec. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va très bien. Tu nous présentes ce mois-ci quelque chose de très intéressant. Jusqu'à la fin de l'année, aux deux semaines, tu vas sortir un nouveau film vidéoclip qui illustre une des chansons tirées de ton album La Garde. Tous ouais. Des films intéressants. Peux-tu nous parler du projet? En fait, on avait envie de pouvoir mettre en ligne notre musique, de la rendre disponible sur le web. Le téléchargement est limité, puis c'est pour un temps limité, je devrais dire, mais on voulait mettre les pièces, que les gens puissent aller sur le web et pouvoir les entendre, puis on voulait trouver une façon originale de les présenter sur le web, puis on voulait sortir aussi de l'idée du genre de vidéoclip où on voit le chanteur qui est mis en vedette ou le band, puis tout ça, puis tu lances ça en Musique Plus, en Musique Place, Musique Max, puis ça reste à peu près comme deux semaines à l'écran, puis ensuite c'est vite oublié. Donc on avait envie vraiment de présenter quelque chose sur le web puis qu'elle allait rester là longtemps, puis trouver une façon originale de le faire. Donc on est allé chercher 8 réalisateurs. Il restait 8 pièces sur l'album sur lesquelles il n'y avait pas eu de vidéoclip. C'est pas nécessairement des singles, justement. Donc on voulait pas de vidéoclip, mais plutôt comme un film. Donc on a donné carte blanche à 8 réalisateurs qui ont chacun choisi leur pièce puis qui se sont amusés à mettre des images, faire un court film sur la pièce. Puis ça, on sort ça justement. On est déjà rendu à la 5e. Je pense que le 5e film va sortir mercredi de la semaine prochaine. Il en restera 3 par la suite. Puis c'est ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on est là-dessus. Là. Parfait. D'ailleurs, celui de cette semaine, je l'ai vu ce matin et plein de mouvements, très, très beau. Puis en même temps, tu vas pas nécessairement, tu sais, comme tu as dit, pas nécessairement le chanteur qui chante comme un vidéoclip, mais beaucoup de mouvements, beaucoup d'images, de gros plans. Et j'ai vu que tu avais fait un peu la même chose, un peu le même genre de concept pour le vidéoclip de La Garde, dans lequel tu faisais une collaboration avec Rubber ouais. Dance Group, qui est un ouais. groupe montréalais assez reconnu. Tu sembles ouais. aimer ça, faire des collaborations, puis laisser libre cours aux créateurs. Est-ce que... Bon, aller chercher un groupe de danse, aller chercher des réalisateurs différents, c'est un amour de la musique relié à un amour de la danse, un amour des images? Ben moi, je trippe beaucoup danse. J'ai beaucoup d'amis danseuses et danseurs à Montréal. Ça m'arrive d'aller voir des spectacles de danse, puis je côtoie ce milieu-là pas mal. Mais comme on finit par côtoyer plusieurs autres sphères artistiques là, à Montréal, tu sais, si tu prends la peine de sortir un peu de ton plateau, puis tu vas voir autre chose que juste des shows de musique, là, c'est assez rapidement, tu peux côtoyer des artistes de très haut calibre, là. C'est ça qui est le fun, je trouve, là. Puis moi, j'aime les collaborations, puis justement, tu sais, quand tu fais un clip, puis t'as plusieurs façons de s'y prendre, mais tu sais, nous, on se dit, bon, maintenant qu'à investir autant, tant qu'à ça, on va prendre notre pied, puis on va triper artistiquement en le faisant, puis on va se servir de ça aussi, pas juste pour se faire connaître nous, mais pour faire connaître des gens de différents milieux. Fait que Mathieu Grimard, qui a fait la réalisation du vidéo La Garde, nous avait proposé, tu sais, on savait qu'on voulait un peu de danse, fait qu'on a regardé plusieurs troupes, puis lui nous a suggéré la troupe de Rubber Band Dance, puis qui font du breakdance, puis qui ont fait toutes sortes de trucs très street breakdance. On trouvait ça vraiment, vraiment trippant comme truc. Puis on a aussi fait affaire avec Iso, qui est un designer aussi. Donc on sort de ça un peu pour s'amuser dans le clip, puis faire connaître d'autres artistes, puis eux autres, en même temps, ça fait rayonner notre projet encore plus, justement, parce que on s'étire le bras un peu. Puis le truc des 8 réalisateurs, justement, c'est un peu le même principe, c'est qu'on a été chercher des gens dans différents milieux, comme par exemple, il y en a un qui travaillait chez Ubisoft, qui faisait de l'animation, un autre, c'est Brigitte Henry, qui a travaillé déjà avec Patrick Watson, puis Lassa, qui a fait beaucoup d'animation aussi. Ensuite, Patrick Péris, qui lui est dans le domaine de la pub, puis etc., etc., tu sais, Tian Andrew Tang, lui, qui a fait les vidéos sur Paris, qui lui, c'est un VJ qui est installé à Montréal depuis très, très longtemps, puis qui est un des pionniers à avoir fait du VJ, avoir eu des résidences à Montréal, comme justement pour faire du VJ avec des DJ très connus qui venaient de partout dans le monde. Fait que de travailler dans différentes sphères, même si nous, ça nous fait connaître, puis eux, ils se font connaître en même temps. Oui, c'est une très bonne affaire. Si on parle un petit peu du futur, de ce qui s'en vient, pour toi, là, tu travailles évidemment sur une tournée de spectacle encore. Il y a encore des spectacles qui ont lieu en ce moment. Est-ce que tu commences à penser à ton troisième album? Est-ce que tu sais quand ça s'en vient? Ben, c'est un peu tôt, ça. Ouais, je sais que les albums sont de plus en plus rapprochés maintenant. Ouais. Mais tu vois, entre mes deux derniers, il y avait 2 ans et demi. Puis déjà, ça, c'est pour moi, c'est très court. Je continue tout le temps de composer, mais l'album est sorti il y a un an seulement, là, à peine un an, puis on est encore dans les spectacles, puis dans le développement de ça. T'sais, pour moi, c'est très tôt, là, un an plus tard, de juste décider de continuer. On est toujours en création, ça n'arrête pas, mais tes pièces, quand ça fait un an et demi, 2 ans que tu travailles sur un truc, tu veux que ces pièces-là puissent vivre sur scène le plus longtemps possible. Donc, je suis un peu en création, mais j'ai pas en tête un album, pas pour tout de suite. Okay. D'ailleurs, tu parles de spectacle. Moi, je t'avais vu en spectacle, à UQTR en spectacle, il y a de ça 2 ans. Puis ce que je me rappelais du spectacle, c'était que c'était doux, tu avais utilisé un micro qui faisait que ça mettait une ambiance très calme, une très belle ambiance. Est-ce que tu vas présenter à peu près le même type d'ambiance ce soir ou tu vas sortir la bête de scène? Ben, en fait, c'est que quand tu nous as vus, je crois que c'était un spectacle bien spécifique. Je pense que c'est un truc acoustique qu'on présentait ou vraiment, vraiment épuré. Là, pour c'était une demande spéciale, je crois. Là. Ça nous arrive de faire des trucs acoustiques, donc vraiment épurés. On y va, tu sais, guitare, acoustique, voix, puis il n'y a presque rien, là. Ce soir, je suis avec 4 musiciens, puis notre spectacle, ben c'est vraiment comme tu les entends sur l'album, là, sauf probablement plus intense, justement, là, parce que c'est quand même du pop assez rock, puis il y a des bouts assez psychédéliques dans ce qu'on fait, là, fait que c'est très, très... ça bouge beaucoup là sur scène. On a tendance, justement, comme tu dis, pour prendre ton expression, on est pas mal bête de scène, puis c'est un spectacle qui est vraiment, vraiment qui est plein de moments forts, de moments doux. C'est sûr qu'on se permet dans le spectacle de rentrer une couple de petites tones acoustiques comme ça, vraiment épurées, mais la plupart du temps, le spectacle, c'est vraiment, ça bouge beaucoup, puis c'est assez intense. Puis on essaie de j'ai essayé de faire quelque chose, tu sais, qui reflète un peu le l'album La Garde, qui était justement un album qui cherchait à sortir un peu de ce tag-là qu'on m'avait donné de rock planant puis ambiant. Donc, j'ai voulu faire quelque chose qui était un peu plus dynamisant puis qui était moins rock planant. Mm-hmm. Donc, le spectacle, c'est ce soir, jeudi 17 novembre, à Shawinigan, au Centre des Arts, à la salle Philippe Filion. Il y a d'autres spectacles qui s'en viennent plus tard, après-demain, le 19 novembre, à Montréal. C'est M pour Montréal, Café Campus, à 14h. C'est ça, c'est un showcase. Okay. C'est un festival qui est de plus en plus gros à Montréal. Mm-hmm. Puis c'est un honneur pour moi de pouvoir faire un showcase là, justement. Ouais. Ensuite, le 24 novembre à Terrebonne, c'est au Bière et Compagnie, chemin Gascon, cabaret du Milland, sur l'avenue du Parc. Est-ce que c'est le 25 novembre, ça? Oui. Ouais, c'est une rentrée montréalaise. OK, parfait. Et après ça, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent, évidemment, début 2012. On peut aller voir sur alexandredesilets.com pour plus de détails sur ces spectacles-là. Est-ce que tu joues beaucoup de pièces de ton premier album? J'en joue, je crois, 4 okay. ou 5. Là. Quand même, là, on les fait presque tous, mais on met de l'emphase, c'est sûr, sur l'album La Garde. Venez voir. C'est la meilleure... La meilleure chose à dire. On aimerait que tu choisisses la pièce qui va jouer pour conclure cette entrevue, une pièce de l'album La Garde. N'importe quelle, et de nous expliquer évidemment les paroles, parce qu'on veut savoir la signification derrière ça. Tu peux y aller pour J'oublierai. OK. Je trouve que c'est une pièce justement live qu'on fait, qui, déjà sur le disque, je trouve que c'est une pièce qui bouge beaucoup, qui est vraiment, qui a plein d'énergie, puis sur scène, ben ça... je pense que c'est encore plus, justement. Là. Je pense que c'est là qu'on voit les arrangements. On voit les arrangements en perspective encore plus. Hein, puis c'est vraiment trippant comme tune. Puis, J'oublierai, ça parle un peu de cette idée-là d'oublier les vieilles querelles, puis de repartir à zéro. Puis, du coup, on sort, on va prendre un verre, puis on s'amuse. Non, dans le fond, une chanson très vivante. Ouais, je pense que oui. C'est ça. Donc, on te retrouve, comme je disais, sur alexandredesilets.com, évidemment, sur Facebook, même si j'ai vu que tu es un petit peu tanné comme bien des gens du monde qui parlent juste de Facebook, là. Ouais. À ce qui paraît. On peut acheter ta musique là-dessus aussi, sur Bandcamp. Tu as une page sur Bandcamp. Et est-ce qu'on peut l'acheter physiquement en spectacle ce soir? Oui, ben, j'en ai amené quelques-uns. Puis, mais il y a toujours iTunes aussi. Oui, bien sûr. C'est la meilleure chose. Puis sinon, comme sur le web, pour l'instant, ceux qui veulent se rincer l'œil, comme je vous disais, il y a énormément de matériel vidéo là, sur mon site web. Puis évidemment, sur tout ce qui est YouTube, tout ça, là, à cause du projet des huit réalisateurs qu'on a sortis. Mmh. Il y a de quoi s'amuser pour une bonne demi-heure. Abreuvez-vous. Un beau projet. Oui, d'Alexandre Desilets. Très beau projet, en effet. On rappelle, le spectacle, c'est ce soir, jeudi 14 novembre, à la salle Philippe Fillion, du Centre des arts de Shawinigan. Les billets sont 28 $, 25 $ pour les étudiants. Donc, rabais pour les étudiants, c'est toujours fin. Ça, il en reste quelques-uns. Oui, ben parfait. Donc, Alexandre Desilets, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, avec plaisir. La pièce J'oublierai à l'instant. Merci. Faut croire qu'il y a quelque chose en moi qui voudrait bien dormir sans savoir trop comment j'ai envie de vous dire d'oublier pour une fois. Pensez. sa histoire. Ce qu'il ne sait pas encore, qu'il lui dira devant des écrans de rêve. Nos vies se déforment, des milliards d'images, un piège dans un beau décor. Tout sonne faux. On vient tout juste d'entendre Alexandre Desilets avec la chanson « Plus qu'il n'en faut ». Et juste avant, c'était encore Alexandre Desilets avec « J'oublierai ». Et on rappelle... Des gilets, des chandails. Desilets. Bon. Il sera en spectacle ce soir à Shawinigan. Ce soir étant jeudi, le 17 novembre. Oui, exactement. Voilà, donc allez-y en grand nombre, bien sûr. Oui. Et on le remercie, évidemment, pour l'entrevue. C'est super. Oui. Sympathique jeune garçon. Donc, vous êtes toujours par la C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et on est rendu aux positions numéro 9 et 8. On va se faire un petit bloc 3 quarts, comme on aime l'appeler. On fait ça une fois de temps en temps. On fait juste 3 pièces sur 4. On va sauter par-dessus la 9e francophone, Bravo Funkin, avec Cœur Rubik, pour aller directement à la 9e anglophone. La 9e anglophone, My Morning Jacket, avec Victory Dance. Oh, parlant de des gilets, un ouais. Manteau matinal, hein? My Morning Jacket. Est-ce que j'ai trop ri de ta mauvaise prononciation? Oui, ça a juste montré que j'avais mal parlé. Merci, Mathieu. Surligné, entouré, encadré et oui. Mis en caractère garant. Exactement. Désolé. Should I close my eyes and prophesize, hoping maybe someday come? Should I whip the ground with my old tears, crying over what's been done? Should I lift the dirt and plant the seed, even though I've never grown? Should I wet the ground with the sweat from my brow and believe in my good work, my good work, my good work? Down fix my gaze in the future's past, seeing things that ain't come yet. Hope to watch the victory dance after the day's work is done. Hope to watch the victory dance in the evening's setting sun. Hope to watch the victory dance over many lives to come. Hope to watch the victory dance in the evening's setting sun. Setting sun. sentir compassé et bien. We'll be right back. Feist et The Bad in Each Other, position numéro 8. Et ça monte de la 13e place, donc de 5. En fait, c'était Feist et Each Other. Feist. Ouais. Et en... Système d'alarme qui parle chaque fois que tu dis Feist. Ouais. Ouais. Avant, on a entendu Violette P avec USB qui monte de 3 places. Voilà. Exactement. Et voilà. C'est la fin de la deuxième heure. Il nous en reste une troisième. On va se faufiler de la musique en tonnes. Genre gros bloc dans la troisième heure pour réussir à se rendre jusqu'au numéro 1. On va savoir très bientôt si le numéro 1 francophone est toujours Galaxy avec Shanghai. Et du côté anglophone, The Horrible Crows avec Behold the Hurricane. Laisse-moi douter. Ah ouais? Est-ce que t'es en train de donner des indices puis de voler le punch, toi, là? École. École. Restez là, c'est les palmarès, c'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Ah. De retour au palmarès, c'est fou pour la troisième heure. Wow, en plein sur exactement hein? Au bon moment dans l'intro, t'es forte, là, tu commences vraiment à savoir. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, moi, c'est Mathieu Plante. Oui, bien sûr. Et on est en direct toujours les jeudis et en rappel les vendredis et les lundis. Donc, bienvenue à vous, où que vous soyez et où que quand que quoi. Exactement. Où que quand que quoi. Bon. Donc, cette troisième heure débute avec un bloc, sur le fait, c'est des fois, on fait des blocs spécial, trois quarts ou spécial. Ouais. Là, c'est un bloc demi. Ouais. On saute deux pièces sur quatre, donc on va sauter par-dessus Young Galaxy en septième anglophone, Peripheral Visionaries. On va entendre seulement la position 7 francophone. Qui est Monogrenade avec Obsolète. Ensuite, on va sauter par-dessus la 6e franco, les Vulgaires Machins avec MMC pour aller entendre la 6 anglo. La 6 anglo qui est Rich O'Quinn avec la chanson Hit. Ici, c'est mêlant pour vous autres. Sachez que ça a été mêlant pour nous aussi de l'écrire sur la feuille et de comprendre comment on allait faire ça. J'ai fait une crampe de cerveau au moment de regarder tout ça. Les palmarès, c'est fou, c'est pire qu'une slush. C'est un beau slogan, ça a toutes les saveurs en même temps. Push, push, push, push, push, push. Dégalasse, dégalasse. Let's live. numéro 6. J'ai la peau d'un lézard et les yeux de squelette. Entre la mâchoire et le cerveau d'allumette. Raconte une histoire, fais-moi chauffer la tête. C'était la chanson Hit de Rich O'Quinn en sixième position, qui a monté de deux positions cette semaine. Avant ça, on a sauté par-dessus les Bigard Machin et même si, qui descendrait de quatre places. Avant, on a entendu, on a sauté par-dessus Young Galaxy avec Peripheral Visionaries qui montait de deux places en septième anglophone. Pour entendre la septième francophone qui était Mono Grenade avec Obsolète. Bon, on a sauté à la salle d'affaires, je pense. Assez pour toutes nous mélanger. Ouais, c'est ça. On va y aller avec les deux cinquièmes places, tu sais, au complet pour faire changement. Du côté anglophone, il y aura The Kooks avec Is It Me qui descend de trois places. Et du côté francophone, ce sera Propofol avec Fibre Optique. Oh! Viens-tu de révéler le numéro 4, moi? Ben peut-être, mais c'est pas ben grave. Le numéro 4, on s'en fout un peu. Non, c'est pas vrai. On les aime toutes, nos positions. Là, il y en a 40. On les aime toutes comme si c'était nos propres enfants. Si on nous demandait d'en sauter une. Ah, finalement, le choix n'a pas été si difficile que ça pour sauter des pièces. Hein. Les plus anciennes. Les plus anciennes. Mais on n'a pas le choix. Il faut tout le temps se trouver des raisons pour sauter par-dessus quelques pièces. Et nos critères sont souvent par ancienneté. Hein? Sinon, c'est par longueur de pièces. Mais c'est plus rare. C'est les plus longues. C'est comme à un moment donné, ça aide. C'est souvent par ancienneté. C'est surtout ça. Donc, Propofol, tout de suite, au 89 FM, c'est des palmarès. C'est fou. Hein? Hein? Condenser la meilleure musique de C'est fou, ça. Tout le meilleur stock, tu sais. C'est comme dans un café du centre-ville, mettons, la crème de la crème, tu sais. Ouais. T'as une couche de crème, mais non, une couche de crème par-dessus. C'est pas mal assez fou. Est-ce que je me la ferme? Oui. J'arrête de parler là? Oui. Parfait. Stay. numéro 5. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm c'est Is It Me, position numéro 5. Ça descend de 3 places du côté anglophone. En 5e francophone, c'était Propofol avec Fibre Optique. Bon, mais Colin, hein? Hé, hey, regarde-moi ça. Je viens de voir la prochaine position francophone. Je viens de l'apprendre. Là. C'est pas comme si tu m'avais volé le punch tantôt. Que l'ancien numéro 1 n'est plus numéro 1 du côté francophone. Non. Non, non, non, non. Non. C'est rare que ça arrive, hein? Que le numéro 1 reste numéro 1 c'est plusieurs rare. Semaines de suite. En effet, c'est arrivé la semaine passée avec The Herbal Crows et la pièce Behold the Hurricane. Est-ce que ça va avoir une troisième semaine au numéro 1? Là, le suspense est insoutenable et imprenable. Imprenable, oui. Point. Donc, on va aller entendre tout à l'heure Black Lips avec Raw Meat, stable en quatrième position anglophone. Mais juste avant, ce sera l'ancienne position francophone numéro 1, la chanson Shanghai du groupe Galaxy. Ça, c'est la troisième fois qu'on dit que c'est l'ancien numéro 1, puis je suis encore surpris. Comme, hein? Quoi? Hein? C'est encore numéro 1, ça, là? Juste pour être sûr que tu vas le retenir. Ouais, ouais. Vous êtes au palmarès, il faut 89 FM. numéro 4. Aimes-tu le cocori? Cheeseburger de Colibri. Mm. Blou, blou, blou. Ouais, on vous rappelle que la chanson que vous venez d'entendre, c'est The Cooks. Même non, pas, non, c'est non. Les Black Licks Black avec Raw Meat. Oh là là. On peut inventer nos propres paroles dessus. Oui, moi, parce qu'on dirait que c'est une chanson en français, ouais. C'est en anglais. Ouais. Fait que ça vient tout mélanger. C'est ridicule. Des paroles, ouais. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Comme fausse parole en français. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas Crosby? Ou... Ouais, Bing Crosby, quelque chose. Là, soirée entre amis, je sais pas quoi. Là. C'est, ouais, moi, j'ai inventé toutes les paroles. Là. Puis c'est encore meilleur que l'original. Fait, ouais. Non, c'est très, très bon, ça, Rami de Black Lips. Donc, est-ce que tu avais dit qu'on avait entendu Shanghai de Galaxy avant ça? Non, je t'avais pas dit, mais tu viens de le dire. Ben, c'était un peu ça. Hein? Lancé numéro 1, Franco, qui est maintenant en 4e place. On va aller entendre les positions numéro 3. Hein? Pourquoi pas? Tout de suite, à l'instant, du côté anglophone, il y aura... Oh non! Dis-moi pas que l'ancien numéro 1 est rendu en 3e place. Après 2 semaines au sommet, là. Oui. C'est la déchéance, hein? Descendre de 2 places, pauvre. Bon, The Herbal Crows. Non, c'est pas si pire que ça, finalement. Behold the Hurricanes, c'est le nom de la pièce. Et du côté francophone, en 3e position, c'est Crash Ton Rock avec Il Priait. Ah, ça monte un peu? Oui, ça monte de la 7e position à la 3e position. Est-ce qu'on va les retrouver en première bientôt? Je ne saurais le dire. Ben non, parce que cette émission-là, c'est basé sur la réalité de la vie des animateurs, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils font jouer dans leurs émissions. Donc, si ça joue, ça monte. Si ça joue pas, ben, tasse-toi de la manonce. Bon. Dis de même, c'est violent. C'est violent un peu. Oui. Moi, je réalise maintenant. Ouais. Il Priait, Crash Ton Rock à l'instant. Ben, en même temps, eux autres, le nom de leur groupe est assez violent aussi. Ça s'équivaut. Crash Ton Rock dans voilà. Ta face. Arrête. Non. Sans fin, s'il n'avait pas épuisé les larmes de son corps. sentir que dans mes ailes, tout ce qui reste c'est l'espoir et briller, et supplier le ciel et puis la terre. Faut dire que dans mes ailes, tout ce qui reste c'est l'espoir et briller. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1 numéro 3. This house creaking, I'm familiar with the cold and the windows and the doors and the sound of my heart beating, beating in and out of time. And it's such a shame, I heard the wind say this morning, like a memory haunts me now, as if it were a dream, as if it were a dream. It's such a shame. Behold the Hurricane! de nos amis de chez The Herbal Crows. C'est lancé numéro 1, c'est maintenant en troisième place anglophone. En troisième place francophone, c'était Crash Ton Rock avec Il Prière. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Alors, on est rendu au position numéro 2. Du côté anglo, il y aura Mother Mother avec Baby Don't Dance, ça monte d'une place. Et du côté franco, c'est Malajub avec Le Blizzard. Ça va être bon, ça aussi? Oui. Après ça, on va avoir le numéro 1. Juste après ça. Et ensuite, on va pouvoir retourner en arrière à ce qu'on a sauté et écouter quelque chose que tu vas nous proposer. Ça. Oui, je comprends pas pourquoi ça n'a pas encore joué assez fou. Parce que tu n'étais pas là pour le faire. Cet été, tu n'en as pas fait jouer, oui, un peu? Non, jamais? J'ai connu la fin de l'été, là. Ouais, c'est bon. Vrai. Bon, hein? En tout cas, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bon! Bonne affaire, ça. Bonne affaire. Pour l'instant, donc, les positions numéro 2, on commence avec Malajub, Le Blizzard. Sur C'est Fou, c'est les palmarès. C'est fou! Le blizzard vient Mother Mother et Baby Don't Dance, position numéro 2 anglophone, ça monte d'une place. En la position numéro 2 francophone, c'était Malajub avec le blizzard. Ah, le blizzard. Oui. L'hiver s'en vient. On n'a même pas encore une neige à Trois-Rivières. Ben, je sais, mais là, c'est de la faute de Malajub, ça, là? Non. Non? Non, non. Sûr? OK. Alors, il nous reste seulement les positions numéro 1. Et Marie-Pierre, numéro 1, tu sais ce que ça veut dire? J'attendais ça avec impatience, Mathieu. Ah, allez, ouais. Vas-y. J'ai fait exprès pour ne pas regarder mes feuilles. Comme toujours, je n'ai pas regardé mes feuilles. C'est le moment de faire des jeux de mots poche. Des jeux de mots poche, c'est même avec mon récent rhume. Parce que, bon, mon rhume est fini depuis 2 semaines. J'ai encore mal à la gorge tout le temps. Vous le savez, si vous écoutez les émissions, je suis tout le temps en train de m'étouffer. Bon, c'est correct. Tu sais, je prends des halls. Je prends des halls. Centre. Halls, centre. Annie Hall, centre. Ah. Annie Hall, centre. Des fois, ils sont au bleuet ou au raisin. Raisin mauve, tu sais. Mauve. Mauve. Hein? Non, mais c'est comme un film rempli de gags, là, tu sais, les films hollywoodiens là, au sommet du box-office là, dans vos cinémas où vous vous rendez peut-être au ciné-parc avec votre voiture Plymouth. Hein? Hein? Fait que j'ai réussi à plugger Mauve, Annie Hall et Cinéma Plymouth dans la même phrase. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dirait que j'ai le goût de rire en cam. Ah, ou t'as envie de m'applaudir. Ouais. Comme toute une génération des de gens. Applaudissements de golf. Là. Applaudissements de golf. Là. Bravo, bravo, bravo. Toute la génération 80, 90, 2000 de tous les gens, de tous les âges, jeunes, universitaires, qui nous écoutent à la bibliothèque peut-être avec leurs écouteurs, en train de pas trop parler fort avec leur voix dans la bibliothèque. Hein? Library Voices. Avec le chandelier. Avec le chandelier. C'était une blague de clou. Une blague de clou? Non, non, non. Le jeu ça. Clou. Le jeu clou. Ah, oh, avec... Genre Colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier. Ah, c'était tiré par voilà. Les cheveux, ça. Il fallait vraiment le trouver. Là, c'était comme... Mais j'essayais de faire un gag comme toi, là, comme toi, tu sais si bien faire. Oui, rechercher et genre chercher là, ce qu'il veut dire, finalement. Oui. C'est un peu ça. C'était ça mon intention. Ouais, ça va te prendre toute l'année et jusqu'à l'été prochain pour trouver le jeu de mots, ce qui veut dire l'été prochain, Summer of Lust, le nom de l'album. Bon, mais ça, c'est le jeu de mots, hein. Donc, on va entendre la formation Mauve avec la pièce Annie Hall sur l'album Cinéma Plymouth du côté francophone. Et du côté anglophone, c'est Library Voices avec Generation and Clap. Sur l'album Summer of Lust. Exactement. Parce que j'avais fait un jeu de mots avec ça. Il fallait que je le plug. Faut le préciser, voilà. Hein, sinon personne ne comprend rien. C'est super. Toujours des moments d'anthologie, ça. C'est, ouais. C'est beau. J'arrête jamais, je l'ai fait depuis des années. C'est super mauvais, mais je continue. Parce que pourquoi arrêter? Je suis pas un quitter. Je suis pas du genre à démissionner de même. Dans l'hôtel. et en première position. Numéro 1 des panneurs assez fous de cette semaine. On fait un petit récapitulatif des top 3 de chaque côté. Choisis ton côté comme d'habitude. Côté anglophone. D'accord, waouh! On se lâche lousse? Oui. En troisième position, c'était The Horrible Crows avec Behold the Hurricane. En deuxième position, c'était ton groupe préféré, Mother Mother, avec oui. Baby Don't Dance. Ah. Et on vient tout juste d'entendre en première position, qui a monté de 14. Mm-hmm. De 14 positions. C'est assez impressionnant. C'est mérité aussi. C'était Library Voices avec Generation and Clap. Donc vraiment, le top 2 cette semaine est particulièrement pour moi, on dirait. en direct. Faites juste pour moi. Du côté francophone, en troisième, c'était Crash Ton Rock avec Il Priait. En deuxième, ça montait d'une place, Malajub et Le Blizzard. Un autre groupe que j'adore, évidemment. Et en première place, une nouvelle chose qu'on aime. On a commencé à aimer ça récemment parce que c'est tout nouveau. Mauve avec Annie Hall qui monte de 11 places sur l'album Cinéma Plymouth. Un drôle de nom de groupe. Ouais, hein? Juste Mauve au pluriel, tu sais. Ouais, Mauve. Plusieurs Mauves, là, différentes teintes de Mauve. Là, les pourpres. Pour... Et, les pourpres. C'est plus Mauve. Puis mauve pourpre. Ah non, non. Mauve, c'est mauve. Ah ouais? Mauve, c'est mauve. Ben, Colin, tu m'apprends des choses, hein? Mm-mm. On dirait une vendeuse de peinture. Mais c'est pas le cas. Peut-être un jour, là. T'aspires à une carrière en vendeuse de peinture. Non. Non. Mais j'aimerais bien entendre une chanson, par exemple. Ah, d'accord. Mettons, oui. Si sur le front de Twin Shadow, est-ce que ça te va? Oui. Sur l'album Slow Dance, on va entendre la pièce Slow. Oui, Twin Shadow, qui ne joue pas assez fou. Non, pas et, assez. Je ne comprends pas pourquoi. Ben, parce qu'on n'a pas de CD, ça aide vraiment pas. Les artistes qui n'envoient pas leur CD, ça joue rarement. Hein. Pour vrai, c'est bien beau le MP3 et l'Internet et jouer des MySpace ou peu importe, mais on l'a pas d'en face, on a moins tendance à le faire jouer dans ce temps-là. Donc, ce serait une bonne idée de le suggérer qu'ils nous envoient un CD. Donc, on va entendre ça, Slow, de choses là, Twin Shadow. Oui. Twin Shadow. Alors que moi, ben, je vous dis qu'on se retrouve jeudi prochain entre 14h et 17h pour une autre édition des Palmarès C'est Fou. Ce qui nous suit, c'est La Sécheuse, suivie de La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle et son Indie Rock à 18h. On joue aussi les vendredis soirs entre 17h et 20h. Ce qui, après nous, c'est Les Lutins de l'Enfer avec du métal. Et finalement, les lundis après-midi entre 13h et 16h. Ce qui, après nous, c'est Le Boudoir avec de la musique émergente. Très bonne émission, ça, Le Boudoir, à conseiller. En fait, toutes les émissions sont bonnes. Mais tu sais, Le Boudoir, c'est plus dans l'alternative, dans le genre de musique qu'on joue dans les Palmarès C'est Fou. Pas que Les Lutins de l'Enfer avec du métal, on n'en joue jamais. Mais en fait, on joue jamais de métal vraiment. Ça reste bon, mais on n'en joue pas au Palmarès C'est Fou. C'est pas dans le Palmarès. Bon, il y a un top métal, c'est pas pour rien. Top loud, regarde, il y a juste dernière feuille ici. Hey, je pense que ça fait depuis le début de la session qu'on n'a pas parlé des top 10 électroniques et loud. On le faisait à chaque semaine avant. On a perdu notre bonne habitude. Mm. Ouais. Mais bon, une autre fois. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Okay, c'est un défi. On se lance un défi. Oui. Parfait. On se quitte avec Twin Shadow et Slow. Et je m'excuse d'avoir parlé aussi longtemps et aussi rapidement et dit autant de choses alors que là, c'est comme à un moment donné, peux-tu juste jouer de la musique, ça? Non? Bonne semaine, tout le monde. Elle fait comme si j'avais rien dit. J'aime ça. C'est vraiment la tactique à prendre avec moi. Avec moi, c'est comme là, en ce moment, je suis encore en train de parler, ça. Hmm. Ouais. Je me tape ses nerfs, ça.